Écoutez attentivement, imprégnez-vous du son. Les sons sont de puissants purificateurs. Premier chakra, le périnée, la terre, la sécurité. Je suis la vie. Deuxième chakra, je suis la créativité, je ressens la vie. Troisième chakra, le plexus, l'estime de soi. J'agis, la puissance est en moi. Quatrième chakra, le cœur, l'amour, le cœur, l'amour. Chakra, la gorge, l'expression, j'exprime ma vérité, exprime ta vérité avec ta gorge. Sixième chakra, le front, la lumière, l'intuition et les croyances. Est-ce que tu as des croyances? La lumière, le sixième chakra. Il te faut le septième chakra. Le septième chakra, le violet, l'infinité. We'll be right back. conscience divine. L'infinité, ton septième chakra. Restez quelques instants silencieux. Ressentez votre corps physique. Ressentez votre corps d'énergie. Ressentez la vie qui circule. Remerciez-la. Remerciez-vous. Respirez profondément, calmement. Et souriez. La chanson du karma avec karma et c'est karma. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon karma.